Ya ya ya. Eh eh. Cesse tes palabres, crash time ailleurs, y'a pas la place pour tes dires ici qu'à trace. Suffiront pas à racheter la case, manquante veille, rabat-joie, râle. Chaque soir en bas de sa porte, ça crie. J'cache ma joie d'accord quand la vie m'arna 14, j'vacille. J'parle fil petit à petit, j'ose me l'avoue et on se dit gros. Le samedi soir tout est gris, le dimanche matin tout est faux. Qui s'en étonne, sonne père, on s'efforce, c'est fort, j'enterre mes idées noires. Les galères, on s'en décolle sans peine, ma voix résonne. Un clair de lune, une ruelle, ça suffira. Les pots donnent caisse claire, un sac de 8, 6, on s'enfuir. À l'époque, colle à la peau de ceux qu'ils décident, va savoir comment faire, on exil vers le vide, entraîne l'arrogance, l'estime de soi. 10 minutes jour en jour, je méprise l'espoir. Personne croit en nous, alors on croira en quoi? Nous gagne notre ardoise, le miroir s'est brisé. Un vainqueur incessant, marqué la cime de cette cité. J'ai perdu le sommeil, j'oscille entre hôtellerie et fossiles. Les rides de ma ville sont sales, brillantes rotaineries et sottises. Comme gangrène et les fous passent, ceux qui de jour en jour s'éteignent. Je te passe le salut, le salam, en séjour où tout est terre. J'ai perdu le sommeil, j'oscille entre hôtellerie et fossiles. Les rides de ma ville sont sales, brillantes rotaineries et sottises. Comme gangrène et les fous passent, ceux qui de jour en jour s'éteignent. Je te passe le salut, le salam, en séjour où tout est terre. L'histoire se répète, on y voit que du feu. Rallume la mèche, espoir et bêté, je m'use à me perdre. J'aime voir la terre d'un autre angle, c'est ma peine. Insolent comme la pègre, je rêve à tort d'un moment d'insouciance. Elle fait la fête, effrayer l'amour, c'est la recette. La coutume, on se fait suer, on en reparlera plus tard. À trop se demander pourquoi, on s'acharne, on va nulle part. Cherche un route à suivre, c'est ma fort factice. Garde le pied au planche, à tort. Le taxi attend qu'on s'active, on s'adonne. Chose fuite et l'on perd tant de temps. Qu'on s'accroche à nos rêves, comme à nos peines, on reste dans le vent. Qu'est-ce qu'il nous reste à vivre? Les bonnes choses partent, les premières. Des envies, des désirs, là je lui laisse ton portail le feu vert. C'est que j'ai pas le temps de tout vous dire, on s'en ira un jour. L'un de ces péripéties, on se félicite pas par amour. Et carte en main, je remonte au tour, plus d'une paire de fois. Je fais d'une paire de coups. Vu que je trouve ça bête que nos pères pètent le foie. J'ai perdu le sommeil, j'oscille entre hôtellerie et fossiles. Les rides de ma ville sont sales, brillantes rotaineries et sottises. Comme gangrène et les fous passent, ceux qui de jour en jour s'éteignent. Je te passe le salut, le salam, en séjour où tout est terre. J'ai perdu le sommeil, j'oscille entre hôtellerie et fossiles. Les rides de ma ville sont sales, brillantes rotaineries et sottises. Comme gangrène et les fous passent, ceux qui de jour en jour s'éteignent. Je te passe le salut, le salam, en séjour où tout est terre. On va couper l'émission. Couper toute l'émission, je me crache la gueule. Non, je vous en prie, arrêtez. Non, mais coupez. Coupez. Ils ont cru que je bluffais, hein. Quand on le cherche, on le trouve, hein. Oui. Ah oui, petit détail, je ne fais plus partie de la Pléiade. Non, je ne suis plus disponible dans la collection. Mon style fait peur. Je suis un peu comme Alexandre Jardin. Je fraye par ma prose. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je serai diffusé comme un maudit. Allez, en vous remerciant, bonsoir.